Deuxième séquence, l'affaire Henri Siriani. On va d'abord rire un peu avant de se lamenter. Pour rire un peu, nous sommes le 25 mars 1995. Écoutons le journal de la chaîne de télévision FR3 qu'on appelle le 19-20. Édouard Balladur est venu le matin même inaugurer un musée dans les Bouches-du-Rhône. C'est ce musée-là. Nous en parler. En raison du brouillard, son hélicoptère s'est posé en pleine campagne. Et une généreuse automobiliste qui passait par là par hasard a gentiment pris dans sa Mercedes blanche le Premier ministre, par ailleurs candidat au présidentiel, qui faisait tout bonnement de l'autostop comme vous et moi. Le hasard qui fait parfois bien les choses n'a pas mis n'importe quelle voiture sur la route d'Édouard Balladur, mais une Mercedes blanche immatriculée PM comme Premier ministre et conduite par Claire Lacaille, propriétaire d'un très bel hôtel à Avignon, qui très spontanément a accepté de conduire Édouard Balladur de Barbantane à Mayanne. On a parlé de Barbantane, de l'endroit où elle habite, de la température qu'il y fait. Nous sommes passés près d'un très beau monastère où il y a des reconnais. Et voilà, ça n'a duré que 10 minutes, c'était un peu court parce qu'elle était charmante, j'aurais souhaité que ça dure davantage. Ce qui m'a frappé chez lui, c'est son côté très, très détendu pour un homme qui est en plein marathon électoral, sa capacité à s'intégrer à la situation, pas une fois je l'ai senti ni agacé, ni condescendant, ni vraiment quelqu'un d'extrêmement courtois. Ouvrant le dialogue avec moi, tout à fait simplement, comme si de rien n'était. De ces deux rapides inaugurations aujourd'hui en Provence, le Premier ministre candidat ramènera deux souvenirs, un traditionnel avec la reproduction d'une tête de statue romaine, un autre plus pittoresque, sa première expérience d'autostoppeur. Alors, le musée en question, c'est le musée de l'art antique de l'architecte Henri Siriani, un équipement conçu 12 ans plus tôt, en 1983. Il s'avérera que cette affaire d'autostop était une pure invention, un pur mensonge de marketing électoral, un coup inventé par Georges Tron, qui aujourd'hui est très célèbre pour masser les pieds de ses collaboratrices. Une aventure donc totalement bidonnée avec une comparse que révélera le Canard Enchaîné. C'était notre introduction riante de période électorale. Mais passons maintenant à la déploration. En effet, une atteinte majeure à cette œuvre emblématique, vraiment emblématique de l'architecture française des années 80 et 90, l'un des principaux grands projets de province du premier septennat de Mitterrand, a été commise au mois de février. Ce musée de l'art antique est un édifice splendide. Il a d'ailleurs été finaliste, qu'on appelle shortlisted, du prix européen Mies van der Rohe en 1996, l'année où c'est d'ailleurs un autre bâtiment français qui devait l'emporter, la Bibliothèque de France de Dominique Perrault. On a récemment décidé d'y ajouter une extension pour la présentation d'un chaland antique qui était retrouvé dans le Rhône à l'occasion de ces fouilles qui ont mis à jour, parmi d'autres trésors, le fameux buste de César qui est actuellement exposé au Louvre jusqu'au 25 juin. Bon, très bien, s'il faut exposer de nouvelles découvertes, allons-y. Mais un monument a aussi ses droits. Casserait-on un angle de la Villa Savoie pour y greffer un garage? L'aurait-on fait du vivant de Le Corbusier sans y associer son auteur? C'est ce qui s'est passé ici. L'atelier de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire d'architecture, du département des Bouches-du-Rhône, s'est en chargé de l'affaire. En février, on avait déjà commencé à taper dans un des angles du musée, charcuté à la pince à béton, comme l'attestent les photos de chantier, si on peut appeler ce mot, qui nous étaient parvenues et à la suite desquelles nous avons décidé d'alerter l'opinion, c'était il y a 3 semaines peut-être. Un angle, nous ira donc un angle, la belle affaire. Oui, mais ici c'est très important, un angle. Le musée avait été dessiné selon une figure triangulaire très rare en architecture, un triangle, ou plus exactement un triangle en hélice, c'est-à-dire un triangle dont les ailes débordent, ce qui donne à chacun de ces trois angles un statut très très particulier, et à vrai dire essentiel. L'angle nord, celui qui a été attaqué, constitue le côté droit de la grande façade principale. Il s'ouvre dans une sorte de patio de grande hauteur qui est marqué par des jeux de poteaux ronds, des poutres de béton armé assez blancs, en contraste avec le bleu soutenu de l'émalite. L'émalite, c'est un verre laqué qui enveloppe le bâtiment presque en entier, sauf les parties en béton armé. Enfin, c'est une distinction, je dirais, à caractère un peu pédagogique, et qui lui confère, cet émalite bleu, sous le ciel bleu de Provence, une extrême qualité d'abstraction et d'élégance plastique. Ce patio est vitré du côté du musée. Et il ouvre sur le fleuve par une longue, vraiment magnifique fenêtre, c'est un large percement de la paroi. C'est un des clichés des revues d'architecture de ces années-là, très souvent photographié pour sa beauté. Très souvent, il a fait l'objet de plusieurs couvertures, de nombreuses couvertures de revues dans le monde entier. Et c'est dans ce patio, entre les voiles des malites bleues, contre la longue percée sur le Rhône, contre les parois vitrées qu'il va du coup obturer, c'est là, dans ce moment essentiel de la façade, que s'installe lourdement l'extension. Cette question, bien sûr, soulève de nombreux points. Des questions de propriété morale ou artistique, ça concerne l'architecte. Mais des questions aussi de respect du patrimoine architectural contemporain, qui est commun, qui est collectif et qui nous concerne tous. Des questions aussi de légitimité des services départementaux d'architecture ou de maîtrise d'œuvre. Sont-ils compétents? Ont-ils le talent pour corriger, pour compléter, pour tripoter de quelque façon que ce soit l'œuvre d'un grand artiste, d'un des principaux architectes de sa génération? Il y avait là un véritable cas d'école dont nous avions invité les diverses instances à se saisir. Ce qu'elles ont fait. L'Académie d'architecture la première, puis le Conseil national de l'ordre des architectes, puis le Comité international des critiques d'architecture, l'Association internationale de défense du mouvement moderne, DOCO MOMO, le syndicat d'architecture, le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône, etc. Et de nombreux architectes ou critiques. Quelques organes de presse, d'abord Jérôme Ozol dans Archicool, le Moniteur, AMC, le bulletin Archiscopie, qui en a fait son éditorial, elle comme l'LCO à Lima, William Curtis dans Architectural Review, se sont déjà saisis de l'affaire, rien dans la presse non spécialisée en France, comme d'habitude, dirais-je. Des personnalités internationales ont protesté. De Londres, l'historien Joseph Rickwerth, de toute notoriété, de Milan, l'architecte Vittorio Gregotti, de New York, Paul G. Amatuzzo et Kenneth Frampton, d'Australie, Egbeck et Jali Cooper, de Washington, Robert MacArthur, de Los Angeles, Harry Wolff, de Ljubljana, Maya Ivanich, etc. Voici un extrait de la lettre au président du Conseil général, Jean-Noël Guérini, dont le célèbre professeur et historien Kenneth Frampton, de New York, donc, nous avait fait parvenir une copie. No words can adequately express the shock and repulsion I felt. Les mots ne peuvent pas rendre compte du choc et du dégoût que furent les miens lorsque j'ai appris l'intervention barbare que votre administration a cru devoir infliger à l'un des bâtiments les plus magistraux qui ait été construit en France dans la dernière décennie. Il est évident que vous avez procédé à la démolition partielle délibérée de cette œuvre de manière clandestine, du jour au lendemain, pour ainsi dire, afin de nous mettre devant un fait accompli et presque irrémédiable. Je n'arrive pas, poursuit Kenneth Frampton, je traduis, je n'arrive pas à comprendre ce qui pourrait justifier cet acte de violence culturelle gratuite. Dites-moi comment Marseille et sa région pourraient se dire capitale culturelle de l'Europe 2013 avec cette tâche singulière sur leur réputation culturelle, etc. C'est une affaire vraiment assez sérieuse et assez rare dans le champ de l'architecture moderne. Nous avions rencontré Henri Sérigny juste avant qu'il ne s'en retourne au Pérou, où il vit et enseigne une partie d'année. C'était le 29 février. Donc à Auxerre. Au moment où on vous rencontre, on est en plein drame, puisque un de vos deux chefs-d'œuvre, si on peut appeler vos chefs-d'œuvre vos musées, puisque vous avez fait aussi beaucoup de logements, qui sont aussi des chefs-d'œuvre, mais enfin, un de vos deux musées, le musée de l'art antique, que vous aviez dessiné en 83, qui avait été inauguré en 95 et qui était un des grands chantiers de province de François Mitterrand, un des bâtiments les plus emblématiques des années 90, et sous le feu d'une espèce de scandale qui a éclaté il y a très peu de jours, parce que le Conseil général a décidé d'en casser un fragment très important, sur plusieurs dizaines de mètres de long, qui fait un des angles d'un bâtiment dont les angles sont particulièrement importants, puisque c'est un bâtiment triangulaire. Disons, c'est un musée qui est pas simplement mon premier grand bâtiment culturel, mais c'est sur lui qui s'est concentré toute ma pensée architecturale de l'époque. Mais toute ma pensée, c'est-à-dire que la séparation de la façade qui s'adresse à l'extérieur par rapport à la façade qui s'adresse à l'intérieur, qui doit représenter des logiques intérieures qui n'ont pas le droit d'avoir, pour un bâtiment emblématique, une présence extérieure, ces choses-là ont été réalisées. C'est-à-dire qu'il y a trois parois qui sont autonomes. Chacune a une mission dans ce bâtiment-là. Il y a une première qui est la façade frontale, celle qui a été touchée en plus, qui a pour fonction de faire rentrer dans le bâtiment et de montrer l'aspect culturel du bâtiment. Après, il y a une façade qui est la façade de l'aile scientifique, qui a pour objectif surtout d'établir des réserves, faire de la conservation et loger l'école des fouilles. Cette façade est aveugle et plein sud. C'est-à-dire qu'il y a en même temps des logiques, je dirais, de situation, et il y a des logiques des pensées architecturales. Et il y a finalement la troisième paroi, elle n'est que la façade du musée, parce que le musée est tenu entre les deux ailes, la scientifique et la culturelle. C'est-à-dire que le bâtiment en soi est une histoire du musée, est une logique muséale profonde. Et abîmer, toucher, combler un angle et le transformer à nouveau en un lieu opaque, c'est ne pas comprendre même la logique profonde, essentielle de ces bâtiments. Et ce qui est particulièrement en avant, c'est que c'est un des très grands musées publics, un des plus beaux musées publics français, et que l'angle qui est attaqué sur une très grande profondeur, hein, c'est pas comme quand on mord dans un petit biscuit lu du bout des dents, c'est on attaque à une très grande profondeur de cet angle, c'est justement l'angle qui figure sur toutes les perspectives les plus allégoriques. Donc c'est l'angle le plus puissant et le plus symbolique et le plus architecturé du bâtiment. C'est lui qui a fait toute la couverture, cet angle-là a fait toute la couverture dans tous les pays. Des rues d'architecture, on va dire. Un blog très complet a été ouvert sur cette affaire, avec des documents historiques depuis le moment du concours de 1982, il y a 30 ans, des photographies, des documents graphiques, une anthologie d'articles critiques parus d'un presse international à l'époque de son achèvement, des vues du chantier contesté et des réactions récentes. L'adresse est très facile, c'est Siriani en Arles, c'est-à-dire Siriani, trait d'union, EN, trait d'union, Arles. Siriani en Arles avec des traits d'union. Nous recevions l'architecte Henri Godin à propos de son ouvrage « Hors les murs ». Nous évoquons le scandale du moment, la transformation sans l'accord d'un architecte du musée de l'art antique, d'Henri Siriani. Puis nous commentions une traduction inédite d'un classique de l'urbanisme, l'étude pratique des plans de ville de Raymond Unwin avec Jean-Pierre Frey. La semaine prochaine, nous ferons une émission patriotique, entièrement dressée contre la mondialisation et le dépérissement des espèces. Elle sera notamment gauloise. Pour retrouver nos racines, nous recevrons deux architectes captifs, un Helvète, Bernard Tchoumi, à propos de son bâtiment d'Alésia, et puis un Péruvien, c'est Henri Siriani, dont nous parlions tout à l'heure, qui nous parlera de dessin, de l'espace et de la construction en hauteur. Je vous rappelle que notre site internet offre divers services, adresses, bibliographies, calendriers, index, complets, etc., permet d'écouter l'émission pendant un mois, de l'atelier pendant une semaine. Et c'était donc Métropolitain, une émission de François Chalin, réalisation Viviane Noël, avec aujourd'hui à la technique Philippe Payares.